Le journal égyptien Al-Ahbaro Al-Masihi, en date de 3, a inséré le résumé du rapport d'activité du comité central présenté au 7e congrès du Parti travail de Corée par le maréchal Kim Jong-un.